Chapitre 14. Alors, elle ne sortit plus, elle ne remua plus. Elle se levait chaque matin à la même heure, regardait le temps par sa fenêtre, puis descendait s'asseoir devant le feu, dans la salle. Elle restait là, des jours entiers, immobile, les yeux plantés sur la flamme, laissant aller à l'aventure ses lamentables pensées et suivant le triste défilé de ses misères. Les ténèbres, peu à peu, envahissaient la petite pièce, sans qu'elle eût fait d'autre mouvement que pour remettre du bois au feu. Rosalie, alors, apportait la lampe et s'écriait « Allons, Madame Jeanne, il faut vous secouer, ou bien vous n'aurez pas encore faim ce soir. » Elle était souvent poursuivie d'idées fixes qui l'obsédaient, et torturée par des préoccupations intimifiantes, les moindres choses, dans sa tête malade, prenant une importance extrême. Elle revivait surtout dans le passé, dans le vieux passé, hanté par les premiers temps de sa vie et par son voyage de noces, là-bas, en Corse. Des paysages de cette île, oubliés depuis longtemps, surgissaient soudain devant elle, dans les tisons de sa cheminée. Et elle se rappelait tous les détails, tous les petits faits, toutes les figures rencontrées là-bas. La tête du guide Jean Ravoli la poursuivait. Elle croyait parfois entendre sa voix. Puis, elle songeait aux douces années de l'enfance de Paul, alors qu'il lui faisait repiquer des salades, et qu'elle s'agenouillait, dans la terre grasse, à côté de tante Lison, rivalisant de soins toutes les deux pour plaire à l'enfant, luttant à celle qui ferait reprendre les jeunes plantes avec le plus d'adresse et obtiendrait le plus d'élèves. Et tout bas, ses lèvres murmuraient « Poulet, mon petit poulet », comme si elle lui eût parlé. Et sa rêverie, s'arrêtant sur ce mot, elle essayait parfois, pendant des heures, d'écrire dans le vide, de son doigt tendu, les lettres qui le composaient. Elle les traçait lentement, devant le feu, s'imaginant les voir. Puis, croyant s'être trompée, elle recommençait le P, d'un bras tremblant de fatigue, s'efforçant de dessiner le nom jusqu'au bout. Puis, quand elle avait fini, elle recommençait. À la fin, elle ne pouvait plus, mêler tout, modeler d'autres mots, s'énervant jusqu'à la folie. Toutes les manies des solitaires la possédaient. La moindre chose changée de place l'irritait.